إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on commence aujourd'hui la troisième partie de cette conférence, qui est la réponse à ceux qui appellent les salafis des madakhila. Et ils font référence par cela à Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, et également à d'autres mashaykh parmi les shuyukh salafiyin qui ont également un lien avec ce nom-là, comme par exemple le Cheikh Zayd al-Madkhali et le Cheikh Mohammed ibn Hadi al-Madkhali et beaucoup d'autres parmi les mashaykh qui ont ce nom-là. Et également, ils nous appellent aussi des jamiyin, par référence au Cheikh Mohammed Aman al-Jami. Et donc, on a commencé à expliquer au dernier cours un peu de la biographie du Cheikh Rabi al-Madkhali pour savoir qui il est, hafizahullah. Et on va continuer dans cette voie, parce qu'on était en train d'expliquer un peu de la vie et de la biographie du Cheikh en mentionnant également certains de ses chouyours et un court résumé de leur biographie. Donc on va continuer inshallah dans cette voie, dans cet exemple qu'on a suivi dans le dernier cours, pour continuer à donner des noms et des résumés de biographie de certains des chouyours de Cheikh Rabi' hafizahullah. Et donc parmi les chouyours qu'on a lus ou qu'on a mentionnés au dernier cours, on a parlé d'un des chouyours du Cheikh Mohammed ibn Mohammed Jabir al-Madkhali. On a parlé d'Al-Allama al-Sheikh Nasir ibn Khaloufa Tayyash Mubaraki. On a parlé de celui qui a établi la da'wa salafia dans le sud de la péninsule arabe, dans le sud de l'Arabie Saoudite, dans la région de Jizan et la région de Samita, le Cheikh Abdullah al-Qar'awi rahimahullah, et ses élèves sont ceux qu'on vient de mentionner, et il y en a beaucoup d'autres aussi qu'on va mentionner encore. Également, on a mentionné le Cheikh Hafiz Hakami, rahimahullah, qui fait aussi partie des chouyoukh de Cheikh Rabi' al-Madkhali, Cheikh Mohammed ibn Saghir Khamisi, rahimahullah. On a parlé de lui. Donc on va continuer également à mentionner d'autres parmi ceux qui ont été les chouyoukh de Cheikh Rabi'. Donc il y a le Cheikh Ahmed al-Najmi. Le Cheikh Ahmed al-Najmi, qui fait également partie des élèves de Cheikh Abdullah al-Qar'awi, et il faisait partie des gens qui ont étudié justement avec le Cheikh Abdullah al-Qar'awi et qui était avec les élèves de Cheikh parmi les exemples de Cheikh Hafiz Hakami. Donc ils étaient ensemble et ils enseignaient ensemble dans l'école de Cheikh Abdullah al-Qar'awi et dans l'institut scientifique de Samita, également dans Al-Madrasat al-Salafiyya, qui était là-bas aussi. Donc on va lire un peu donc sur la vie de Cheikh Ahmed al-Najmi, qui est mort il y a quelques années également, donc ça fait pas longtemps qu'il est décédé, rahimahullah. Il donne lui-même sa biographie, le Cheikh a donné un petit résumé de sa biographie, donc on va la lire ensemble, inshallah. Donc, Cheikh Ahmed al-Najmi, il dit, en réponse à la question qui lui a été posée au sujet de sa biographie, il dit, نرجو من فضيلتك. Donc, on lui a posé la question de sa biographie. Il répond, الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد, أخوكم أحمد ابن يحيى ابن محمد ابن شبير النجمي من مواليد قرية النجامية أو النجامية, والنجامية هي قرية من قرى جازان تبعد عن مدينة صامتة جنوبا بحوالي 4 كيلومترات يحول بينها الوادي. Donc le Cheikh explique, il dit Alhamdulillah, paix et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que ses compagnons. Et il dit donc, je suis votre frère Ahmed ibn Yahya ibn Muhammad ibn Shabir al-Najmi, qui est né dans la ville de Nijamiya. Et c'est une des villes dans la région de Jazan qui est à peu près à 4 km vers le sud de la ville de Samita. Il dit ensuite, وكانت ولادتي في آخر عام 1346 درست القرآن في الكتاتيب 3 مرات قبل مجيء شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي وبعد مجيء الشيخ رحمه الله وتأسيس المدرسة السلفية في صامتة عام 1359 هجريا ترددت إلى المدرسة ولم أستمر ثم من أول عام 1360 هجريا وفي شهر صفر بالتحديد دخلت المدرسة السلفية بصامتة التي أسسها فضيلة شيخنا الداعية المشهور الذي أنقذ الله به أمة من منطقة جازان ورحمهم به بأن أخرجهم من الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الفسق والبدع إلى البر والإيمان والحمد لله واصلت الدراسة في مدرسة الشيخ وفي عام 1365 عينت من قبل الشيخ في مدرسة النجامية وفي هذا المسجد الذي بجانب بيتي فكنت أدرس فيه وأدرس في المدينة في المدرسة السلفية ثم في عام 1367 عينت أيضا بصفة رسمية في نفس المدرسة وفي عام 1372 عينت إماما ومعلما بمسجد أبي سبيلة جهة العارضة وجلست سنتين في تلك المنطقة أذهب وأجي وبعدها فتح المعهد العلمي بصامتة في مستسهل عام 1374 وعينت فيه مدرسا مع الشيخ حافظ وناصر خلوفة وجماعة معهم ودرست في ذلك المعهد 10 سنوات ثم استقلت في عام 1384 يعني في الشهر الثالث اليوم 11 فكانت نعم. Donc le Cheikh explique, il dit que il a étudié premièrement le يعني, il est né en 1346 et il a étudié le Coran dans les écoles coraniques avant la venue du Cheikh Abdullah Al-Qarawi. Il est parti 3 fois donc dans les écoles coraniques. Ensuite, le Cheikh Abdullah Al-Qarawi est venu et il a établi l'école qu'on appelle Al-Madrasat Al-Salafiyya. J'expliquais donc que le Cheikh il a étudié donc dans les écoles coraniques au début, quand il était petit. Puis le Cheikh Abdullah Al-Qarawi est venu et c'est là qu'il a établi Al-Madrasat Al-Salafiyya, dans la ville de Samita, vers c'est l'année 1359 Hijri. Donc il allait, puis il allait, il revenait, il allait étudier dans cette école-là, mais c'était pas continuel. C'est par la suite qu'il a commencé à étudier de façon plus régulière dans l'école vers l'année 1360, donc l'année d'après, vers le mois de Safar. Il est rentré dans l'école As-Salafiyya Samita, qui a été établie par le Cheikh, et le Cheikh il mentionne à propos de Cheikh Abdullah Al-Qaraoui que c'était un grand da'ya célèbre par lequel Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé beaucoup de gens dans la région de Jazan, et Allah leur a fait miséricorde, yani, en faisant venir ce cheikh dans cette région, et il a réussi à faire sortir beaucoup de gens du shirk vers le tawhid, de l'ignorance vers la science, et du péché et de la bid'a vers la bonté et la foi. Donc il dit par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a continué ses études dans cette école, dans l'école du cheikh, et en 1365, il a été désigné par le cheikh Abdullah Al-Qaraoui, pour enseigner dans l'école Al-Nijamiyya, c'est-à-dire l'école de sa ville. Il dit que c'est la mosquée qui est juste à côté de sa maison, dans la ville. Alors, il enseignait dans cette mosquée, dans cette école, et il enseignait également par la suite dans la madrasa salafiyya, dans l'école salafiyya. Puis en 1367, c'est-à-dire 2 ans après avoir été désigné comme professeur, il a été désigné de façon officielle dans la même école, l'école salafiyya, comme professeur. Et en 1372, il a été désigné comme imam et professeur dans la mosquée de Abi Sabila, vers la région de Al-Arida. Al-Arida, c'est une petite ville qui est un peu montagneuse, qui est pas loin de Abi Arish, qui est Sharqan bihawali 30 kilomètres taqriban. Donc c'est à l'est de la ville de Abi Arish, à peu près 30 kilomètres à l'est de cette ville-là. Donc il était parti dans cette région-là, et il est resté 2 ans dans cette région, aller et à revenir. Puis lorsque l'institut scientifique de Samita a été ouverte vers l'année de 1374, c'est là qu'il a été désigné comme professeur. Et lui, ainsi que d'autres chouyour parmi les élèves du Cheikh Abdullah Al-Qaraoui, parmi ceux dont on a parlé au dernier cours, le Cheikh Hafiz Hakami, ainsi que le Cheikh Nasir Khalifa, et un groupe d'entre les élèves du Cheikh également, ont été désignés eux aussi comme professeurs dans cet institut. Parmi eux, il y avait par exemple le Cheikh Mohammed ibn Othman Nadjar Al-Mubaraki, et le Cheikh Mohammed Ahmed Al-Hakami, le frère de Cheikh Hafiz Hakami, et d'autres également. Donc il dit qu'il a enseigné dans cet institut pendant 10 ans, puis il a cessé de travailler 10 ans après, donc vers l'année 1384. Et il dit ensuite, وَكَانَتْ نَفْسِ طَوَاقَةً إلى أن ألتحق بالجامعة الإسلامية مدرسا لا سيما وأن فيها في ذلك الوقت الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني المحدث المعروف والشيخ عبد العزيز بن باز الذي هو رئيس الجامعة الإسلامية بالنيابة وكنت أرغب الاتصال بهما والأخذ عنهما وراغبت هذا ولم يرد إلا ذلك ثم بعد ذلك حاولت أن ألتحق بالجامعة فلم يقدر لي والتحقت بالدعوة والإرشاد فعينت واعظا ومرشدا في جهة صامطة والموسم والمسارح أو المسارح والمسارحة وأبي عريش فجلست 3 سنوات تقريبا متجولا في المنطقة للوعظ والإرشاد، إلا أن الأسفار أتعبتني وأرهقتني، فطلبت الرجوع إلى المعاهد مرة أخرى ونقلت مدرسا، والحمد لله صدر قرارا بإرجاعي إلى المعهد أو إلى المعاهد مدرسا. وفي أول سنة لم أتحصل على صامتة، فعينت في معهد جازان، فبقيت فيه العام الدراسي 1387 إلى 88. وبعد نهاية العام الدراسي نقلت إلى معهد صامطة العلم مرة أخرى، ولبثت به إلى أن أحلت للتقاعد. وفي عام 1410 هجريا، وبعد ذلك والحمد لله لم أنقطع عن التدريس، فقد واصلت فيه على طريقة الحلقات في المساجد، وأسأل الله أن يختم لي ولكم بخير. نعم. Donc ça c'est la fin de l'explication. Donc le cheikh il a dit après qu'il a cessé d'enseigner dans l'institut, il voulait rejoindre l'université islamique de Médine pour devenir prof, pour être enseignant là-bas. Et à l'époque, en particulier, il y avait le cheikh Mohamed Nasruddin al-Albani, le grand muhaddith, qui était enseignant là-bas. Et il y avait également le cheikh Abdelaziz ibn Baz, qui était le directeur, celui qui représentait le directeur de l'université à l'époque. Et il aurait donc souhaité être là-bas et pouvoir profiter de leur présence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas voulu, donc il n'a pas pu être transféré à l'université islamique de Médine. Ça n'a pas été décrété pour lui ou prédestiné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a rejoint l'exhortation et la da'wah, puis il a été désigné comme exhortateur et orientateur. Donc ça c'était dans la région de Samita et dans d'autres villes également qui sont pas loin. Donc pendant 3 ans à peu près, il se promenait dans la région de ville en ville, faire des exhortations, orienter les gens. Mais les voyages qu'il a fait, les nombreux voyages qu'il a fait l'ont épuisé et l'ont fatigué. Donc alors il a demandé de retourner encore une fois pour enseigner dans les instituts. Et donc il est retourné, mais en premier il a été désigné dans l'institut de la ville de Jazan. Il est resté de l'an 1387 à l'an 1388. Puis à la fin de l'année scolaire, il a été transféré à l'institut de Samita encore une fois. Puis il est resté là-bas jusqu'à sa retraite en l'an 1410. Et par la suite, il a continué, même après sa retraite, il a continué à enseigner et à donner des durus dans la mosquée. Et il a continué à faire ça, le cheikh, jusqu'à son décès, jusqu'à sa mort, rahimahullah, il n'y a pas longtemps. Donc ça, c'est un petit résumé. Parmi les livres que le cheikh a écrits, il y en a plusieurs. Et en particulier les livres qu'il a écrits dans le manhaj, qui clarifie le manhaj d'Ahl Sunnah. Et il y en a de nombreux et qui sont très bénéfiques, très bons. Parmi ces livres, il y a bien entendu celui qui est un des plus connus, c'est Al-Mawrid Al-Uthba Az-Zulal, qui est un livre qui clarifie les erreurs des groupes d'égarement contemporains, comme les Ikhwan et compagnie, donc comme les Tablir et d'autres. C'est un très très bon livre. Donc il y a celui-là. Et il y a également رد الجواب على من طلب مني عدم طبع الكتاب. C'est-à-dire la réponse qu'il a écrit au cheikh Abdullah ibn Jibrin, qui lui avait demandé justement de ne pas publier son livre, le livre qu'on vient de mentionner avant, Al-Mawrid al-Uthba az-Zulal, parce que Abdullah ibn Jibrin défendait ses kutub et il défendait également Hassan al-Banna. Donc, quand il a lu la réfutation du cheikh contre Hassan al-Banna et contre Sayyid Qutb, il n'a pas aimé cette réfutation-là. Et il a donc demandé au cheikh Ahmed al-Najmi de ne pas publier son livre, et le cheikh Ahmed al-Najmi lui a répondu par un livre dans lequel il a réfuté ses paroles et dans lequel il a prouvé et justifié la raison de sa réfutation de ces individus-là et de ces groupes. Il y a un autre livre aussi qui réfute les Ikhwan et les Hizbiyin qui s'appelle Ar-Radd al-Shar'i al-Ma'qoul ala al-Muttasil al-Majhoul, la réponse basée sur la charia et sur la raison à celui qui l'a contacté de façon inconnue, c'est-à-dire c'est pas identifié. Donc le Jir, il a reçu une nasiha, soi-disant un conseil de la part d'un Hizbi qui lui disait de cesser de réfuter les Hizbiyins, de cesser de parler contre les gens de Bid'ah, et la personne ne s'est pas nommée. Donc le Cheikh, il a écrit cette réfutation-là pour répondre à cette personne qui avait refusé de s'identifier. Et il a beaucoup d'autres livres également dans l'Aqida et dans le Fiqh, et dans il y a beaucoup d'autres domaines qui sont très bénéfiques également. Donc ça c'est un petit résumé du cheikh, et le cheikh Ahmed al-Najmi, comme je disais, c'est un des shuyukh de cheikh Rabi al-Madkhali également. Donc ça c'est un autre encore parmi les shuyukh du cheikh. Parmi les shuyukh du cheikh Ahmed le cheikh Rabi al-Madkhali, il y a également le cheikh qui est parmi les grands shuyukh salafiyin, c'est le cheikh Mohamed Aman al-Jami. Cheikh Mohamed Aman al-Jami, il est né en 1349 de la Hijra. Le cheikh, il est né en Éthiopie. Par la suite, donc il a étudié dans sa région, puis ensuite il est venu en Arabie Saoudite pour étudier encore. Donc il y a sa biographie dans l'introduction du livre La croyance islamique et son histoire. J'ai fait la traduction de sa biographie, et puis donc vous pouvez retourner à cette traduction là le livre a été publié, et puis vous pouvez trouver également la version PDF sur mon site Salafi de Montréal. Donc dans l'introduction du livre, La croyance islamique et ses sectes, La croyance islamique et son histoire, l'aqidatul islamiyya wa tariquha, il y a une petite biographie du cheikh. Donc, juste pour vous nommer quelques-uns des shuyukh de cheikh Mohamed Aman, il y a le cheikh Mohamed Amin al-Harari, cheikh Moussa, ces deux shuyukh de son pays, parmi les shuyukh de l'Éthiopie. Il y a le cheikh Abdelrazak Hamza, le cheikh Abdelhaq al-Hashimi, le cheikh Mohamed Abdullah al-Somali, le cheikh Mohamed Ibrahim al-Sheikh, le cheikh Abdelaziz ibn Baz, le cheikh Abdelrahman al-Afriqi, le cheikh Mohamed Amin al-Shanqiti, le cheikh Hamad al-Ansari, le cheikh Abdelrazak Afifi, le cheikh Mohamed Khalil Harras, d'autres également. Ça c'est parmi les shuyukh de Cheikh Mohamed Aman al-Jami. Il a de nombreux livres qu'il a écrits, et de nombreux écrits, de nombreux durus aussi. Parmi ces livres, As-Sifat al-Ilahiyya fil Kitab wa Sunnah. Donc ça c'était, je pense, sa thèse soit de doctorat ou quelque chose comme ça. Et il y a Majmou Rasa'il al-Jami fil Aqida wa Sunnah, donc un recueil de ses écrits qui se vend dans un volume. Il y a un autre livre qui s'appelle Al-Muhadara al-Difa'iyya an al-Sunnah al-Muhammadiyya, et il y a beaucoup d'autres Rasa'il qu'il a écrit comme ça, la réalité de la démocratie et que ça ne fait pas partie de l'islam, حقيقة الديمقراطية، حقيقة الشورى في الإسلام، la réalité de la shura dans l'islam, العقيدة الإسلامية وتاريخها qui est un des livres que j'ai traduit. Et également, il a fait des durus dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les durus qu'il a fait et les choses qu'il a expliquées, c'est par exemple Al-Usul al-Thalatha, qui est un des très bons shuruh yani de Al-Usul al-Thalatha. Et on a fait, j'ai fait la traduction de ce charh en cours audio, qui sont également sur mon site de Al-Usul al-Thalatha. Il a fait aussi le charh de Kashf al-Shubuhat. Il a fait le charh de Kitab al-Tawhid. Il a fait le charh de Al-Aqidat al-Wasitiyya. Il a fait le charh de Al-Aqidat al-Tahawiyya. Il a fait le charh de Al-Aqidat al-Hamawiyya. Il a fait aussi le charh de Al-Risala al-Tadmouriyya. Tout ça, c'est des durus audio qui sont disponibles, qu'on peut écouter. Et le cheikh, il a une façon d'expliquer la aqida qui est vraiment simple et claire et merveilleuse. Yani, mashallah, fait partie des shuyukh qui maîtrisent les questions de aqida et de manhaj. Donc, franchement, toute personne qui comprend l'arabe, qui connaît l'arabe et qui veut comprendre comme il faut sa aqida et son manhaj, je lui conseille d'écouter yani, ces durus audio. Qui sont vraiment bénéfiques. Et même Cheikh Rabi, qui a été un de ses élèves, il a mentionné justement le fait que parmi les professeurs avec qui il a étudié, il a trouvé que le Cheikh Mohamed Aman Al-Jami était un des shuyukh qui expliquait le mieux yani, la aqida. Donc ça c'est pour répondre aussi à ceux qui parlent du Cheikh Mohamed Aman Al-Jami. Qui essaie de le dénigrer. Donc ça c'est une réponse yani, en même temps pour eux, puisque yani, on voit que ce cheikh Mohamed Aman Al-Jami fait partie des mashaykhs salafiyins qui ont défendu la salafiyya et la sunna. Et également on retrouve que les shuyukh salafis, grands ulama, cheikh Ibn Baz, et bien d'autres, Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Abdul Mohsen Al-Abbad et d'autres, ils ont tous fait les éloges de Cheikh Mohamed Aman Al-Jami, et ils ont tous mentionné du bien de lui, et ils n'ont mentionné aucune contradiction avec la aqida d'Ahl-Sunnah dans ses propos, dans ses écrits. Donc celui qui yani, prétend qu'il fait une secte, qu'il suit une secte, comme les Hizbiyyins le font, et comme on a entendu de la bouche de certains qui défendent les Hizbiyyins et qui font partie de ces Hizbiyyins-là, comme Abdullah ibn Jibrin et d'autres, eh bien, yani, ces gens-là, leurs paroles ne sont pas à prendre en considération, puisque ce sont des gens qui sont des gens de la passion, hein, de toute façon. Naam. Ensuite de ça, parmi les shuyukh qu'on veut mentionner aujourd'hui, parmi les shuyukh du Cheikh, on a mentionné que le Cheikh il a étudié également, bon, on a mentionné Cheikh Ahmed al-Najmi, Cheikh on a mentionné également Cheikh Ahmed Aman al-Jami, d'accord, donc on a mentionné les plus importants. Maintenant, qu'est-ce que j'aimerais faire? J'aimerais mentionner juste un court biographie de d'autres shuyukh qui sont des shuyukh qui sont aussi avec le nom de Madkhali, autre que le Cheikh Mohamed, autre que le Cheikh Rabi al-Madkhali. Juste pour vous faire comprendre ou vous montrer qu'il y a plein de grands shuyukh et ulama qui étaient dans le sud, qui s'appellent aussi Madkhali, et qui ont été, yani, à l'époque où Cheikh Rabi était étudiant là-bas dans le sud. Parmi eux, il y a le Cheikh Mansour ibn Muhammad Musawi al-Madkhali. Ahad sukan qariyat al-Jiradiyya. Al-Jiradiyya wa huwa ahad al-darisin ala yaday muassis al-madaris al-junub. Al-Sheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi hina qadima ila al-junub lid-da'wa. Du Cheikh Abdullah al-Qar'awi, qui s'appelle également Madkhali, il y a le Cheikh Mansour ibn Muhammad مساوي بهلول مدخلي أحد سكان قرية الجرادية، وهو أحد الدارسين على يدي مؤسس مدارس الجنوب الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي حين قدم إلى الجنوب للدعوة إلى الله، ونزل مدينة الصامطة عام 1358 هجريا، وجعلها منطلقا لدعوته، وفتح بها حلقة تدريس للراغبين من الناس في طلب العلم، وقد درس لدى الشيخ يعني بغاية الحب للعلم ورغبة جيدة لتحصيل العلم والاستفادة، وقد نال رغبته وتفقه في الدين، وشارك مع الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي في حلق الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتجول معه في البادية وأمره بفتح مدارس في عدة قرى، فكان يقوم بالتدريس والدعوة إلى الله في القرى والأرياف لتعليم الناس أمور دينهم، وهي من القراء المجيدين، وقد أعطي صوتا جميلا ورقة في القلب، إذا قرأ بكى خشية لله وخوفا من عذابه، ومن سمع منه القراءة تأثر وخشعت نفسه، وكان إماما في مدة دراسته وخطيبا بجامع الجرادية، محتسبا لما عند الله، ثم توظف بعد ذلك إماما بجامع صبياء واعظا مرشدا، وبعد ذلك عين قاضيا في أحد المراكز التابعة لمنطقة جيزان، وبقي بالقضاء ملتزما بالعدالة في الأحكام والإصلاح بين المتخاصمين، قائما بعمل الدعوة ونصرة للحق أو نصرة الحق، وإذا سمع عن منكر حدث غضبا لله، أي نعم، وإذا سمع عن منكر حدث غضب لله وانشغل له حتى يغير ذلك المنكر، فهو رجل صالح في نفسه غيور لدينه، ولما أحس العجز عن العمل رفع اعتذاره وبين عجزه وطلب الإحالة، فأحيل عن رغبة منه على التقاعد، واشتغل بتلاوة القرآن الكريم وتدريسه لجماعة مسجده حتى وفاه الله الأجل المحتوم في شهر الربيع الأول عام 1397 هجريا. Donc on va traduire cette explication de la biographie de ce cheikh Mansour ibn Muhammad Musawi Bahloul Madkhali. C'est un des habitants de la ville du cheikh Rabi', justement, la ville d'Al-Jaradiya, sa ville natale, et un des étudiants qui a étudié avec le cheikh, qui a établi la da'wa dans le sud de la péninsule arabe, le cheikh Abdullah Al-Qarawi, en 1358. Et donc, il faisait partie des étudiants qui étaient motivés, qui avaient un amour pour la science, et qui a beaucoup profité de ses études qu'il a fait avec le cheikh. Et il a appris beaucoup, il a eu une bonne compréhension dans la religion. Il a été également avec le cheikh Abdullah Al-Qarawi dans plusieurs voyages qu'il a fait pour la da'wa. Et il partait souvent avec lui faire, yani, ordonner le bien, interdire le mal. Et il se promenait également même dans le désert pour rencontrer les bédouins. Et il a été également ordonné d'ouvrir une école dans plusieurs villes, donc, et il donnait des cours également, et il faisait la da'wa, il faisait la da'wa également. dans plusieurs endroits. Donc, il enseignait aux gens les questions qui ont rapport avec la religion et ainsi de suite. Il faisait partie des récitateurs de Coran qui avaient une très belle voix et qui avaient un cœur très sensible, très doux et qui pleuraient souvent par crainte d'Allah et par crainte de son châtiment. Lorsque on entendait sa récitation, c'est quelque chose qui nous remplissait, qui remplissait d'humilité. Ça c'était une de ses caractéristiques. C'était également durant l'époque de ses études, il était également le khatib, quelqu'un qui fait les discours et les prêches de vendredi. Et également, il était imam donc de la mosquée de Al-Jaradiyya. Puis ensuite, il a été un employé comme imam. Il a été employé comme imam dans la mosquée de Sibia. Et il était exhortateur et il faisait l'orientation. Il orientait les gens dans la religion. Et ensuite, il a été désigné comme juge dans un des centres qui suit la région de Jizan. Et il jugeait avec justice dans les règles de l'islam et il faisait la réconciliation entre les gens lorsqu'il y avait des disputes entre deux personnes. Et il faisait le travail de la da'wah et défendait la vérité également. Et lorsqu'il entendait qu'il y avait quelque chose de mal qui se produisait, donc s'il y avait quelque chose de mal qui arrivait, eh bien il se mettait en colère pour Allah et il travaillait de son possible pour essayer de changer ce mal qui s'était produit. Et c'était un homme pieux, qui avait une jalousie pour sa religion. Et lorsqu'il a senti qu'après un certain âge, il commençait à devenir trop vieux, eh bien, il a demandé qu'on l'excuse. Et il a, demandé donc de cesser son travail. Et il a pris sa retraite. Et ensuite, donc, il s'occupait par la suite de réciter le Coran et de l'enseigner aux gens de sa mosquée jusqu'à sa mort en 1380-17 de l'année donc Hijri. Donc ça c'est un des shuyur. Il y a parmi les shuyur de Cheikh Rabi' également et qui font partie des shuyur du sud de l'Arabie, c'est le frère de Cheikh Hafiz Hakami, qui était aussi un des élèves du Cheikh Abdullah Al-Qara'awi aussi. Il dit, le Cheikh, à propos du frère de Cheikh Hafiz Hakami, son nom c'est Cheikh Muhammad ibn Ahmed Al-Hakami. وهو صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن أحمد الحكمي من أوائل من تتلمذ على الشيخ عبد الله القرعاوي وهو الشقيق حافظ الأكبر وقد كان حرصهما مبكرا على قراءة القرآن نعم على قراءة القرآن الكريم حفظه يعني على حفظه والتزود بالعلم والأخذ بالحكمة أينما وجداها ويدل على ذلك ذهابه برسالة أخيه حافظ بن أحمد الحكمي إلى الشيخ القرعاوي قبل أن يتتلمذ عليه يطلب فيها كتاب التوحيد مما جعل الشيخ يهتم بأمرهما ويذهب إلى قرية الجاضع التي يقيمان فيها ويتعرف على حافظ وعلى أسرته والشيخ من القلة النابغين الذين يحفظون ما يسمعون ويفهمون ما يقرؤون وكان بارا بوالديه يرعى لهم الغنم ويتحين الفرص للقاء الشيخ والجلوس مع الطلاب لينهل من معارف شيخه ويفيد من مناقشات ومدارسات الطلاب معه ثم يعود إلى قريته ليقوم بخدمة والديه وفيما بعد لازم الشيخ وأفاد من علمه، وكان الشيخ يأنس إليه ويعجب به ويعجب بآرائه، لأنه كان لأنه كان ذكيا في طرح آرائه، يعجبك فيه حضور بديهته وتوقد ذهنه إذا قرأ أتقن، وإذا سمع وعى وخرج برأي مستقل من خلال استيعابه واستكناهه للنصوص الشرعية. لا تجده إلا مكبا على كتاب يقرأه، ممعنا النظر في مسائله. ذكر لأخي وزميلي الشيخ حسن بن زيد النجمي أن الشيخ حافظا رحمه الله قال في جلسة لم أحضرها بأن أخاه محمدا كان متمكنا في علم العقيدة وأنه يرجع إليه في كثير من مسائلها. Donc on va traduire juste la partie qu'on a lue jusqu'à maintenant. Le cheikh Mohammed ibn Ahmed al-Hakami fait partie des premiers élèves du cheikh Abdullah al-Qarawi, et c'est le frère, hein, c'est le frère de cheikh Hafez Hakami. Tous les deux, ils avaient une grande amour pour la science. Ils faisaient beaucoup d'efforts pour essayer d'apprendre à lire le Coran et à mémoriser le Coran et à obtenir plus de science avec sagesse partout où ils trouvaient de la science. Et également, on voit ça dans le fait que c'est lui justement, c'est le cheikh Mohammed, frère de Hafiz, qui est parti voir le cheikh Abdullah al-Qarawi avec une lettre de son frère. Justement, ça c'était avant qu'il devienne son élève. Et dans cette lettre, il demandait au cheikh Abdullah al-Qarawi une copie du livre Kitab al-Tawhid. Et donc, quand le cheikh Abdullah al-Qarawi a vu cet intérêt qu'ils avaient pour la science, et bien c'est à partir de ce moment-là que le cheikh Abdullah al-Qarawi leur a donné de l'attention, et il est parti même jusqu'à la ville de Al-Jadir, justement là où vivaient les deux frères, pour rencontrer la famille de Hafiz Hakami et de son frère Mohammed. Et donc il faisait partie des gens qui mémorisaient et qui avaient une grande compréhension, une grande intelligence, qui comprenaient ce qu'ils lisaient, et ils étaient bons envers leurs parents, et ils s'occupaient des moutons pour leur famille. Chaque occasion qu'ils avaient pour rencontrer le cheikh Abdullah al-Qarawi, eh bien ils en profitaient. Il faisait des efforts pour être le plus souvent possible avec lui et pour rencontrer également d'autres élèves et discuter avec eux de science. En même temps, il retournait par la suite dans leur ville pour s'occuper de leurs parents. Puis par la suite, lorsque les parents sont décédés, et bien c'est à ce moment-là qu'ils ont étudié, ils se sont libérés complètement pour la science, et ils ont beaucoup profité et beaucoup appris de la connaissance du cheikh à l'époque. Et une des choses qui est mentionnée également, c'est que le cheikh Mohammed avait une bonne compréhension dans l'aqidah, et même Hafiz al-Hakami, il y a la mention que, comme il dit, mon compagnon, le cheikh qui a écrit le commentaire, il dit qu'un de ses compagnons, le cheikh Hassan ibn Zayd al-Najmi, mentionne qu'une fois, le cheikh Hafiz était assis avec lui, et il a mentionné que parfois il retournait chez son frère Mohammed, justement, pour lui demander des questions à propos de l'aqida. Donc, le frère de Hafiz était très fort en aqida aussi. Il dit وَأَنَا مِمَّنْ تَتَلْمَذَ عَلَيْهِ. Donc la personne qui écrit le commentaire, elle dit moi-même je suis une des personnes qui a étudié avec lui. وَأَشْهَدُ لَهُ بِسِعَةِ عِلْمِهِ فِي الْعَقِيدَةِ. Je témoigne de sa large connaissance dans la aqida. وَكَانَ يَبْسُطُ الْقَوْلِ فِي نُصُوصِهَا. Il élaborait, il y en a beaucoup dans la parole lorsqu'il expliquait les textes qui ont rapport avec l'aqida. ويفصلها تفصيلا يوصلها إلى أذهاننا. Donc quand il expliquait avec beaucoup de détails en clarifiant ces différentes questions et il expliquait de façon très détaillée jusqu'à ce que nos esprits soient capables de bien le comprendre. وكان يتوسع في القراءة الذاتية ولكنه لم يتمكن من التدوين لكثرة مشاغله. Donc il faisait aussi beaucoup de lectures personnelles, mais il n'a pas eu le temps d'écrire. Hein? Contrairement à son frère Hafiz, il n'a pas eu le temps d'écrire parce qu'il était très occupé. وخلف أخاه حافظا رحمه الله على إدارة معهد سابطة. Donc il a laissé le fait de l'institut de سامطة. Il a laissé son frère s'occuper de l'institut de سامطة. وظل كذلك مدة طويلة حتى وحيل إلى التقاعد. Donc يعني il a enseigné dans cet institut et il est resté longtemps jusqu'à ce qu'il prenne sa retraite. وهو الآن يقوم بإرشاد الناس وتوجيههم في مكتب إدارة الدعوة والإرشاد في المنطقة. أي نعم. وله فضل كبير على طلبة العلم. نسأل الله أن يمد في عمره ويمن عليه بدوام الصحة والعافية إنه سميع مجيب. Donc à l'époque où ce livre a été écrit, il était encore en vie, le cheikh. Il donnait encore des durus. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas encore, mais à l'époque, il était encore vivant. Et par contre, son frère, le cheikh Hafiz, il est mort très jeune. Il est mort à l'âge de 35 ans. Hein, rahimahullah. Il y a un autre cheikh aussi parmi les shuyukh. Il s'appelle cheikh Jabir ibn Nasir al-Madkhali. Cheikh Jabir, أحد طلبة الشيخ المخلصين والمحبين للعلم وأهله، أخلص قلبه لله جل وعلا وحرص على ملازمة الشيخ القرعاوي منذ سمع بوجوده بالمنطقة، فجلس إليه وتتلمذ على يده فترة طويلة حتى أنس الشيخ إليه واطمأن على حبه وإخلاصه لله تعالى ووجهه إلى أعمال كثيرة منها الإشراف على مدارس الجنوب بمنطقة القنفذة فترة من الزمن ثم ومن ثم التحق بهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مركز الخوبة وقرى قبائل الحرس بالمنطقة ثم تعين وكيلا أو تعين وكيلا للقضاء الحراس وبعد ذلك تدرج في أعمال القضاء في مناطق عدة من المملكة واستقر به الأمر قاضيا بمحكمة صامطة حتى أكمل 70 وأحيل إلى التقاعد ويعجبك في هذا الرجل تواضعه وبساطته في الأمور وإخلاصه في عمله وحرصه على تحري الحق في أحكامه يستشير العلماء وذوي الرأي وهو بار بوالدته التي أقعدها المرض ويذكرك في بره هذا ملازمته لها بسيرة ذلك الرجل الصالح أويس القرني رحمه الله وله مواقف لا تنسى في محاربة البدع والخرافات وبعض الأمور الشركية التي تفشت في المجتمعات وعرف عنه حفظه الله كثرة البذل والعطاء في أمور الخير وجعل الله ذلك في ميزان حسناته ووفقنا وإياه لما يحب ويرضى. دونك يا الشيخ Jabir ibn Nasir al-Madkhali. Et Jabir ibn Nasir al-Madkhali, c'est un autre des chouyoukhs parmi les élèves du Cheikh Abdullah al-Qara'awi qui aimait la science et qui avait un cœur sincère dans la quête de la science. Il a fait beaucoup d'efforts pour rester avec le Cheikh al-Qara'awi depuis qu'il a entendu sa présence dans la région et il s'est assis pour étudier avec lui Et yani, il est resté longtemps à étudier avec lui jusqu'à ce que le cheikh lui fasse confiance et se sente yani, bien avec lui, puis sente de lui son amour et sa sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala dans beaucoup de ses actions. Donc il a par la suite été orienté vers beaucoup d'actions, beaucoup de travaux qu'il a fait, comme par exemple il s'est occupé des écoles, de plusieurs écoles dans le sud, dans la région de Qamfada. Il a été donc responsable dans ces écoles-là pendant un certain moment. Ensuite, il est parti vers les centres d'ordonnance du bien et d'interdiction du mal, dans le centre de Al-Khouba et dans d'autres régions, d'autres villages aussi, de la région de Al-Hurraf. Et il a été désigné comme le responsable de ces du tribunal là-bas. Donc il a été par la suite il a travaillé dans qu'est-ce qui a rapport avec les tribunaux là-bas. Il est devenu juge par la suite. Il a été il a travaillé dans plusieurs régions en Arabie, puis par la suite il s'est établi de façon définitive comme juge dans le tribunal dans le tribunal de la ville de Samarra, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 70 ans. Et à cet âge-là, il a pris sa retraite. Une des choses particulières qu'on peut aimer de cet homme, c'est sa modestie et sa simplicité et sa sincérité dans le travail. Et le fait qu'il faisait beaucoup d'efforts pour obtenir ou pour arriver à la vérité, il consultait les ulama et les gens de bonne opinion. Il était bon envers sa mère, hein, parce que sa mère était malade, donc il s'occupait beaucoup d'elle, et il avait un comportement très bon envers elle, qui font penser beaucoup à Ouays al-Qarni, avec sa mère. Également, il avait beaucoup de positions qu'il a prises pour défendre l'islam et combattre les bid'ahs et les superstitions et certaines formes de shirk qui étaient propagées dans la société à l'époque. Et également, il a été connu comme une personne qui fait beaucoup qui est très généreuse, qui donne beaucoup pour des choses de bien, et que Allah subhanahu wa ta'ala mette cela dans sa balance, la balance de ses bonnes œuvres. Donc, il y a un autre cheikh également, et celui-là, il y a beaucoup de choses à dire sur lui. C'est le cheikh Omar ibn Ahmad Jardi Madkhali. Il a lui-même écrit sa biographie. Donc, il dit « قد طلب مني الشيخ موسى بن حاصر السهلي بيانا عن حياتي فأقول إن ولادتي عام 1342 ونشأت في حجر والدتي في حجر والدي في عام 1346 أدخلني المدرسة مع أخي عند المعلم الشيخ عبد جابر مدخلي وكانت الدراسة مجانيا ودرست القرآن إلى أن أكملت جزء عما وقد تفرق الطلاب لطلب المعيشة وقد وصل بعضهم إلى النصف من القرآن وبعضهم دون ذلك وفي عام 1353 أدخلني والدي المدرسة عند رجل يسمى مصطفى عبد الله محرول من أهل قرية العداية وكان يدرسنا بقرية الجرادية بالأجرة القرآن والخط فقط وفي عام 1354 أدخلني عند رجل حضرمي يسمى عمر أحمد العطاس وكان يدرسنا بالأجرة بقرية الجرادية القرآن والفقه وأركان الصلاة وواجباتها وشروطها والخط والإنشاء والإملاء والحساب وكان يجيد الخط وكان يكثر من قراءة القرآن وقد نجح على يديه خلق كثير من الإخوان لأنه كان مجتهدا ومخلصا واستمر على ذلك إلى نهاية عام 1385 وفي عام 1360 دخلت المدرسة السلفية الواقع بصامطة الكائنة في بيت الشيخ ناصر خلوفة طياش مباركي، وكان شيخنا الرجل الداعية إلى الله الشيخ عبد الله محمد القرآوي يعلمنا رحمه الله دروسا كثيرة، أولها القرآن الكريم مع تفسير ابن كثير، وكتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد، وكتاب التوحيد لابن خزيمة، ومتن الطحاوية والعقيدة الواسطية، وفي الحديث بلوغ المرام مع شرحه سبل السلام، وقراءة في البخاري ومسلم وسنن النسائي وأبي داود والترمذي وابن ماجه، وفي موطأ مالك، وفي الفقه العدة شرح العمدة والدرر البهية وغيرها من كتب الفقه، وفي الفرائض الرحبية والفوائد الشنشورية وحاشية الباجوري، وفي التجويد هداية المستفيد ومقدمة ابن الجزري وتحفة الأطفال ومخارج الحروف والنحو الأجرمية وعوامل الإعراب وملحة الإعراب والمتممة وألفية ابن مالك مع شرحها لابن عقيل، وقطر الندى لابن هشام، وفي الصرف متن البناء ولامية الأفعال، وفي المصطلح الحديث البيكونية ونخبة الفكر مع شرحها ونزهة النظر، ومقدمة ابن صلاح مع نظمها للعراقي، وأصول الفقه الورقات لابن الحرم لإمام الحرمين، وفي التاريخ سيرة ابن هشام ونور اليقين للخضري، وكل هذا درسناها على يد الشيخ عبد الله محمد القرعاوي رحمه الله، والبعض منها على الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي رحمه الله بتوجيهات الشيخ عبد الله. ومكان الدراسة أولا بصامطة، ثم بقرية الجاضع، ثم بقرية النجامية، ثم بقرية الجرادية، وذلك بأسباب القحط في البلاد في تلك الأزمنة، فرحمهم الله رحمة واسعة. Donc le cheikh il explique toute sa biographie, il explique comment il est né dans la région du sud comme ça, il est grandi dans la maison de il est né dans la région de son père en 1342, et en 1346 il l'a fait entrer dans une école avec son frère. Et le professeur c'était Abdo Jabir Madkhali. Et l'école était gratuite. Donc il a étudié le Coran jusqu'à ce qu'il apprenne Juz Amma. Ensuite, les élèves se sont dispersés. Certains sont partis pour travailler et d'autres ont continué jusqu'à la moitié du Coran et d'autres moins que ça. En l'an 1353, son père l'a fait rentrer dans une autre école. Chez un homme qui s'appelait Mustafa Abdullah Mahroul, des gens de la ville de Al-Adaya. Il nous apprenait dans la ville de Al-Jaradiya, il fallait payer. Il enseignait le Coran et la calligraphie. En 1354, l'année d'après, son père l'a fait rentrer chez un homme de Hadramaut qui s'appelait Omar Ahmed Al-Attas, et il enseignait également, il fallait payer pour étudier là-bas, c'était dans la ville de Al-Jaradiya. Il étudiait le Coran, le fiqh, les règles de la salat, les obligations, les conditions, et également l'écriture et le calcul et la calligraphie et la lecture du Coran et beaucoup de choses de ce genre. Beaucoup de gens sont sortis de son école et il faisait beaucoup d'efforts jusqu'à la fin de 1358. En l'an 1360, c'est là qu'il est rentré dans la madrasa salafia de la ville d'As-Samita, qui était dans la maison à l'époque de Cheikh Nasir Khalouf Atayash Mubaraki, dont on a parlé déjà dans le cours dernier. Et donc c'était le cheikh un des le professeur, c'était le Cheikh Abdullah Al-Qarawi lui-même, qui donnait des durous. Il donnait beaucoup de durous. Parmi les cours, il y avait le cours de tafsir du Coran. Après, des cours sur le Tawhid, le Sharh de Kitab al-Tawhid, Fatih al-Majid, et le Kitab al-Tawhid d'Ibn Khuzaymah. Puis, tous les livres que j'ai mentionnés également, sûrement vous avez compris. Donc, parmi ces livres-là, il y a des livres qui sont des livres de fiqh, des livres de hadith, des livres de des ahkam, des livres qui expliquent également les héritages, des livres qui expliquent la grammaire, des livres qui expliquent le tajwid, les règles de la récitation du Coran, des livres qui expliquent également mustalah al-hadith, les règles du hadith et la science du hadith, des livres au sujet des fondements du fiqh, des livres sur l'histoire. Donc beaucoup de livres qui étaient enseignés par le Cheikh Abdullah Al-Qarawi. Donc certains de ces cours-là ont été donnés par le Cheikh Abdullah Al-Qarawi, d'autres par son élève Hafiz Hakami, et sous la direction du Cheikh Abdullah Al-Qarawi. Et là, l'endroit de l'enseignement, c'était parfois à Samita, et parfois à la ville de Jardir, et parfois à Nijamiya, et parfois à Al-Jaradiya. Et la raison pourquoi il changeait de place parfois, c'est parce qu'il y avait à l'époque des famines dans cette région-là. Au fin de l'année 1361 hijriyan, اشتد علينا القحط بالبلاد فتفرق الإخوان لطلب المعيشة مع أهليهم توقفت الدراسة فمنهم من سافر إلى الحباطة محل سقوط الأمطار ومنهم من سافر إلى قرى المخلاف وادي بيش فصار لهذه التفرقة خير كثير والحمد لله وذلك أن الإخوان قاموا في القرى بتعليم الصغار في المساجد وإرشاد الناس بالوعظ والتعليم ومطاردة الكهنة والسحرة والمشعوذين الذين يسمون بالسادة يسمون السادة فنفع الله بهم في تلك الديار منفعة عظيمة وكنت أنا مع الإخوان الذين ذهبوا مع أهليهم وقد سافرت بعد سفر أهلي إلى اليمن بوادي مور قرية القنمة نعم وكنت فتحت هناك مدرسة بمسجد جامع القمنة محل إقامة الوالد الشيخ حمد عمير الشامي فكثر الطلبة لأن التعليم كان مجانا وقد علمت بامرأة مشعوذة أو بامرأة مشعوذة تسمى بالكشاحة وكانت بقرية الموسم فطاردتها من محل إلى محل وبسبب صلتي بالشيخ حمد عمير شيخ شمل قرية القمنة وما حولها كانوا يقدرونني فهربت من تلك الجهة ولم نعلم عن مصيرها أي نعم فهربت من تلك الجهة ولم نعلم عن مصيرها فالحمد لله على نصر دينه وإعلاء كلمته. Cheikh explique qu'en 1361, il y a eu une grande famine. À cause de ça, les cours sont arrêtés. Et les gens se sont tous dispersés avec leur famille pour aller trouver un endroit pour vivre. Parce qu'ils ne pouvaient plus rester là-bas puisqu'il y avait trop de famine, il n'y avait plus rien. Alors, il y avait la sécheresse et tout. Donc, ils sont tous partis dans des endroits différents. Se sont tous séparés dans différentes régions. Certains sont allés là où il y avait de la pluie et d'autres sont allés dans d'autres villes. Et il dit, le cheikh, qu'il y a eu à cette séparation-là une bonne conséquence. Il y a eu du bien à ça parce que chacun des frères qui était parti, parmi les étudiants qui étaient partis dans une région différente, eh bien, là où ils sont allés, ils ont pu enseigner dans la mosquée, dans les mosquées où ils étaient, aux gens, ils enseignaient aux gens donc la religion, le tawhid et ainsi de suite. Et dans ces régions-là, parfois il y avait beaucoup de sorciers et des voyants, des gens de superstition. Et les gens les appelaient des sadas, hein, des maîtres. Alors, lorsque les élèves du Cheikh Abdullah entraient dans ces villes-là, ils chassaient les sorciers et les médiums et les voyants et les gens qui prétendent connaître l'avenir. Donc, ils les chassaient partout. Et lui, le Cheikh, en question, le Cheikh Omar Ahmed Jardi Madkhali, il était rendu dans... il était parti dans une des villes où il y avait un cheikh qui s'appelle Hamad Omer Shami et il avait beaucoup d'élèves. Puis dans cette région-là, il y avait une femme qui faisait justement de la sorcellerie et des trucs comme ça. Puis cette femme-là, ils l'ont chassée, ils la chassaient d'un endroit à l'autre. Puis finalement, elle s'est enfuie complètement. Puis personne n'a plus entendu parler d'elle. Et donc, ça, c'est pour dire que donc, les chouf, le chef, il a fait des efforts dans la da'wa et il a chassé les gens qui propageaient des bid'a et du shirk, hein, et des choses de kouf comme ça. وفي عام 1363 هجريا سافرت إلى الشيخ عبد الله وهو بوادي بيش فوجدته بقرية السلامة ألزمني بالقيام بالتدريس بقرية المحلة التي يسكنها الشيخ مناع نمازي وبقيت أدرس مدة هناك ثم أمرني أن أنتقل إلى مدينة بيش أم الخبش فانتقلت وبقيت أدرس هناك وقد أقبل الطلاب إقبالا برغبة وجد ونشاط ومثابرة على الدروس وبقيت هناك أدرس بالمسجد المسمى بمسجد الفقهاء في تلك الفترة ثم رجعت صامتة لإتمام دراستي على الشيخ حافظ. Donc il explique que ensuite il a, en 1363 il est parti vers le Cheikh Abdullah dans la région de Wadi Bish. Il l'a trouvé là-bas dans une ville qui s'appelle Salama et il lui a demandé de rester là-bas pour enseigner. Donc il est resté là-bas pour enseigner. En tout cas, il a fait beaucoup de... Il s'est déplacé dans d'autres villes, la ville de Bish, Om al-Khash. Et il est resté là-bas enseigner aussi. Il y a eu beaucoup d'élèves. Les élèves venaient, ils étaient motivés. Hein, ils étaient sérieux, ils étudiaient beaucoup. Ensuite, il est parti étudier dans une autre mosquée qui s'appelait la mosquée de Al-Fuqaha. Puis ensuite, il est retourné à Samita pour compléter ses études à lui avec le Cheikh Hafid Hakami. Au fin de l'année 1364, Hijriyan, kallafani al-Sheikh Abdullah, rahimahullah, للسفر إلى مدينة بيش للمرة الثانية فسافرت وفتحت مدرسة بالمسجد المذكور وجلست مدة أدرس الطلبة ولكن لم أجلس كثيرا ثم سافرت إلى صامطة فبقيت أدرس بها وفي عام 1366 تعينت إماما ومرشدا بجامع مسجد سبياء أي نعم وموظفا رسميا تابعا للمحاكم وفي عام 1367 وفي 67 نعم سافرت بوالدي إلى عدن لمعالجته ثم رجعت من عدن ثم سافرت لقضاء فريضة الحج ثم رجعت في أول شهر صفر وتزوجت تزوجت هنا في أول شهر ربيع أول نقلت من صبيا إلى جامع صامطة إماما ومرشدا ثم ترفعت إلى مأمور بيت مال بمحكمة صامطة في 1373 وكنت أشغلها مع الإمامة وفي تاريخ 1375 تعينت مراقبا بمعهد صامطة العلمي وفي 77 عينت كاتبا بالمعهد نفسه وفي 1407 طلبت الإحالة للتقاعد لمرض ألم بي فلم بعد أن بلغت خدمتي بالدولة 40 سنة وأربعة أشهر مع العلم أني مع هذه الوظائف أشغل وظيفة إمام مسجد حارة الحسنية بصامطة منذ 1381 إلى الآن وأنا على رأس العمل والحمد لله رب العالمين. Donc le cheikh explique ensuite que le cheikh Abdullah lui a demandé de retourner par la suite à la ville de Bish encore une fois. Il a voyagé là-bas, il a ouvert une école dans la mosquée, il a enseigné les élèves, mais il n'est pas resté longtemps. Il est retourné à la ville de Samita, puis il a commencé à enseigner là-bas. En 1366, il a été désigné imam et orienteur dans la mosquée de la ville de Sibya, le 17 du 6e mois de 1366, et comme employé officiel pour le tribunal. Ensuite, en 1367, le 15 du 7e mois 1967, il est parti à Aden avec son père pour un traitement, puis il est revenu. Ensuite, il a voyagé pour faire le Hajj, il est revenu. Ensuite, il s'est marié au début du mois de Rabi' al-Awwal. Il a quitté Sibya vers la ville de Samita pour être imam dans la mosquée de Samita. Et il est resté. Donc ça, c'était en 1368. Ensuite, il a été désigné comme responsable du trésor, comme trésorier. Du tribunal de Samita. Et en 1373, il travaillait comme imam aussi en même temps. Ensuite, il a été désigné comme superviseur en 1375, superviseur de l'école de Samita, l'institut scientifique de Samita. Et secrétaire également par la suite. Puis, il a demandé en 1407 par la suite, il a pris sa retraite parce qu'il avait une maladie. Puis pendant ce temps-là, il continuait toujours à enseigner. Il continuait toujours à enseigner jusqu'à aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si le chef il est encore en vie, mais à l'époque de l'écriture de ce livre, il était encore vivant. Il y a le chef aussi Ahmed ibn Muhammad Jabir al-Madkhali qui a aussi été un des shuyukh de Sheikh Rabi' أحد تلاميذ الشيخ عبد الله محمد القرعاوي النابغين وكان أحد أعمامه رجلا فاضلا يحرص كثيرا على تعلم ابن أخيه فقد جاء به وهو صغير وأدخله مدرسة الشيخ وقد انتظم بالمدرسة وواظب على التعلم حتى كبر وأصبح له مكان مرموق في المجتمع حيث زاول وظائف حكومية كثيرة منها التدريس بمدارس الشيخ ثم التحق بالرئاسة العامة للقضاء حيث عين كاتب عدل في صامطة ثم عين قاضيا وتدرج في أعمال قضائية إلى أن أصبح رئيسا لمحكمة صامطة بدرجة قاضي تمييز وبقي كذلك حتى بلغ سن التقاعد وله جهود كثيرة لا ينكرها أحد ممن عصره وقد مكث بالعمل 40 سنة. Donc c'est ça, le cheikh ici, c'est le cheikh Ahmed ibn Muhammad Jabir al-Madkhali, qui a été un des shuyukh aussi de cheikh Rabi', un des élèves de cheikh Abdullah ibn Muhammad al-Qar'awi, et son oncle, c'est un homme de bien, hein. Et il faisait beaucoup d'efforts pour que son neveu apprenne, donc il l'a fait rentrer dans l'école du Cheikh Abdullah Al-Qara'awi, et il est rentré dans l'école et il a été un élève sérieux, assidu, qui a beaucoup appris, jusqu'à ce qu'il devienne assez grand, puis il a eu des positions importantes dans la société. Premier, il a travaillé dans le tribunal, donc il a été enseignant enseignant en premier dans l'école du Cheikh, puis ensuite il est rentré dans la direction du tribunal. Il a été secrétaire, il a été juge, jusqu'à ce qu'il devienne le juge en chef par la suite de la ville de Samita. Puis il est resté à travailler jusqu'à sa retraite. Et donc, il a fait beaucoup d'efforts comme ça. Il a travaillé pendant longtemps, de longues années. Et il y en a d'autres mashaykhs également, comme le Cheikh Jaber ibn Suleiman, al-Madkhali, et d'autres également. Donc, ça c'est quelques chouyoukhs. Maintenant, parmi les mashaykhs qui sont connus aujourd'hui, et qui sont salafis, connus pour leur effort dans la da'wah et leur clarification du manhaj, il y a le Cheikh Zayd al-Madkhali. Et donc, je vais vous donner sa biographie. Donc, le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, donc le Cheikh, son nom, sa kunya, donc c'est le Cheikh Al-Allama Cheikh Muhammad ibn Muhammad, le Cheikh Zayd ibn Muhammad, sa kunya c'est Abu Muhammad, Abu Muhammad Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, min qabila al-Madakhila, qui fait partie de la tribu du sud de l'Arabie qu'on appelle tribu des Madakhila, de la région de Jazan, du sud de l'Arabie Saoudite, une des tribus de Bani Shabil. Shabil huwa ibn Yashjab ibn Ya'rib ibn Qahtan. Ça c'est le nom de la tribu. Wiladatuhu. Le Cheikh wulida am 57 wa 300 wa 1000 lil Hijra. Al-Muwafiq لسنة 1938 بقرية الركوبة التابعة إداريا لمحافظة صامطة بمنطقة جازان، وهي تقع شرق مدينة صامطة بقرابة 3 كيلومترات تقريبا، وتعتبر حيا من أحياء المدينة الآن. الشيخ إلي ني 1357 de la Hijri. Donc on a dit que Cheikh Rabi' al-Madkhali hafizahullah, il est né en 1352. Donc Cheikh Zayd il est né quelques années après Cheikh Rabi'. Cheikh Zayd, il est né quelques années après le Cheikh Zayd al-Madkhali. Exactement 5 ans après. Donc il est 5 ans plus jeune que Cheikh Rabi'a. C'est-à-dire qu'il est né en 1938. Il est né dans la ville de Rukuba. Donc, le Cheikh, il n'est pas jeune. Hein. Comme certains peuvent penser ou s'imaginer, le Cheikh, il a 78 ans, je crois. Si je ne me trompe pas, 78. Donc, ça c'est si on parle de l'année Hijri. Sinon, si c'est l'année, si c'est pas l'année Hijri, le Cheikh il a 85. Non, je m'excuse. Sinon, il a 75 ans. Si c'est pas le Hijri, si c'est le Milad, il a 75, 16, un ou l'autre. Donc, il est né dans la ville de Rukuba, qui fait partie de la région de Samita. C'est pas directement dans la ville, mais c'est la région de Jazan. Donc, c'est relié à la région. Maintenant, ça fait partie des quartiers de la ville de Samita. نشأته وطلبه للعلم. نشأ في قريته مع والده في خدمتهما، حيث توفيت أمه وعمره 7 سنوات وهو لم يبلغ الحلم. واشتهرت أمه بالصلاح والدين، توفي والده وعمره 30 سنة، وكان يستصحبه لطلب العلم في صغره ويحثه على ذلك قريبه الشيخ أحمد ابن أحمد علوش المدخلي رحمه الله. Donc il a grandi dans son village avec son père, ses deux parents, et il les servait, s'occupait d'eux jusqu'à la mort de sa... Donc, par la suite, sa mère est décédée lorsqu'il avait 7 ans. Il n'avait pas encore atteint l'âge de la puberté. Sa mère était connue comme une femme de bien, femme de religion, femme pieuse. Son père est décédé alors qu'il avait 30 ans. Son père le suivait dans son apprentissage lorsqu'il était petit et l'encourageait à la science. Et il étudiait avec son proche Ahmed ibn Ahmed Alouch al-Madkhali rahimahullah. التحق بحلق التعليم في قريته وتعلم الخط والكتابة والقراءة والتوحيد والتجويد وقراءة القرآن، وبدأ في حفظه فحفظ سورتي البقرة وآل عمران وشيء من المفصل، ثم بدأ للدراسة في قرية الركوبة وعمره 7 سنوات تقريبا، ثم سكن في قرية الدغارير، ثم تحول إلى مدينة صامتة والتحق بالمدرسة السلفية الزاهرة بها، والتي أسسها الإمام المجدد الشيخ عبد الله ابن محمد القرعاوي رحمه الله، والتي كانت بدار الشيخ الجليل ناصر ابن خلوفة طياش مباركي رحمه الله، وكان يحوطها بعلمه وفضله وسعة صدره لطلاب العلم، ودرس بها كتاب التوحيد وبلوغ المرام والفرائض والتجويد والنحو والصرف في عام 368 و300 للهجرة. لحق بالشيخ حافظ حكمي رحمه الله في مدينة بيش، وقرأ عليه مع طلاب المغتربين، وتتلمذ عليه ورابط بها قرابة 3 أشهر يأخذ العلم، وعاد إلى المدرسة السلفية وكلف بتدريس بعض الطلاب فيها بحلقة في قريته، ثم عين مدرسا بقرية الركوبة في مدارس القرعاوي عام 72 و300 للهجرة، وعمره 15 عاما، ثم مديرا لها. كان مساعده الشيخ جابر ابن محمد المدخلي مدير التوعية الإسلامية بالحج رحمه الله. Donc ensuite, donc le cheikh il a étudié dans les assises de sciences dans son village. Il a appris la calligraphie ou l'écriture. Il a appris également la lecture, le tawhid, le tajwid, la récitation du Coran. Il a commencé à mémoriser également, il a mémorisé Al-Baqara wa Al-Imran et les dernières sourates. Et ensuite, il est rentré dans l'école de son village à Rukuba, et il avait 7 ans. Et il est resté aussi à la ville de Dararir. Puis ensuite, il est parti à Samita, et c'est là qu'il est rentré dans l'école Salafia, Madrasat Salafia, qui a été établie par le Cheikh Abdullah Al-Qarawi. Et qui était dans la maison du Cheikh Nasir ibn Khaloufa Fayash Mubaraki, dont on a déjà parlé. Et donc le Cheikh Nasir ibn Khaloufa, on a parlé de lui, de sa science, de son mérite, et de son accueil chaleureux des élèves, Donc il a étudié, le Cheikh Zayd Al-Madkhali, dans cette école, Kitab al-Tawhid, Bulugh al-Maram, il a écrit, il a étudié l'héritage, le Tajwid, la grammaire, al-Sarf, donc des sciences qui ont rapport avec la langue arabe. Et en l'an 1368, il est allé étudier également avec le Cheikh Hafez Hakami dans la ville de Bish. Et il a lu avec d'autres élèves également qui venaient de d'autres villes. Il a lu avec lui quelques livres et il est devenu donc son élève et il est resté environ 3 mois là-bas à prendre la science avec lui. Puis il est retourné à Samita dans la madrasa salafia, puis on lui a demandé d'enseigner quelques élèves dans les halaqat qu'il faisait proche, et ensuite il a été désigné comme professeur dans la ville de Rukuba, dans les écoles de Al-Qarawi, dans l'année 1372 de la Hijra. Il avait 15 ans à l'époque. Et ensuite il est devenu directeur de l'école de sa ville. Et celui qui l'aidait, c'était le Cheikh Jabir ibn Muhammad al-Madkhali, qui était le directeur de Al-Taw'iyya al-Islamiyya bil-Hajj. ثم لما دمجت مدارس القرعاوي بمدارس وزارة المعارف افتتح المعهد العلمي في مدينة صامطة عام 74 و300 و1000 للهجرة. التحق به بادئا بالأول الثانوي عام 75 و300 و1000 للهجرة بمشورة الشيخين العلمين الفاضلين عبد الله بن محمد القرعاوي والشيخ حافظ بن أحمد الحكامي رحمهم الله. وتخرج منه في نهاية عام 79 و300 و1000 للهجرة وبداية عام 80 و300 و1000 للهجرة. ودرس به على عدد من المشايخ الأجلاء ودرس عليهم عدة فنون. Donc ensuite donc il y a eu c'est comme s'il y a une fusion des écoles de Al-Qarawi, des écoles de Al-Qarawi et les écoles du ministère de l'éducation, et il y a eu l'ouverture de l'institut scientifique de la ville de Samita en 1374. Donc le Cheikh Zayd est rentré donc dans cette école-là en commençant en première année secondaire en l'an 1375, et sous les conseils également des deux Cheikhs, Abdullah Muhammad et Hafiz Hakami, et il est sorti donc par la suite avec un diplôme en l'an 1379 et 1380. Donc il a eu son diplôme et il a étudié avec un bon nombre de shuyukh et il a étudié avec eux plusieurs matières, plusieurs sujets. التحق بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في كلية الشريعة منتظما سنتين، وفي السنة الثانية أكمل حفظ القرآن وكلف بالتدريس في المعهد العلمي قبل تخرجه، وكان مدير المعهد آنذاك الشيخ محمد بن أحمد الحكمي رحمه الله، وأكمل دراسته منتسبا بمشاهدة منظمة منتظمة أو بشهادة منتظم عام 82 و300 و1000 للهجرة، وبدون طلب منه ذلك تشجيعا لطلب العلم، ثم بقي مدرسا به حتى بلغ السن النظامية وأحيل للتقاعد عام 17 و400 و1000 للهجرة بخدمة 35 عاما قضاها في التعليم النظامي. Donc le Cheikh, il est rentré dans l'université de Mohammed bin Saoud al-Islamiyya dans la faculté de Sharia, yani pendant 2 ans. Puis la deuxième année, dans cette deuxième année-là, il a complété la mémorisation du Coran. Ensuite, il a été désigné comme professeur dans l'institut scientifique avant même d'avoir gradué. Et il était le directeur à l'époque, c'était le frère du chef Hafez Hakami, rahimahullah. Il a complété ses études. Donc il étudiait une thèse, c'est-à-dire il assistait aux cours. Il assistait régulièrement en cours dans l'université en 1382. Il a continué ensuite à enseigner jusqu'à ce qu'il ait l'âge légal de sa retraite en 1417. Et il a donc enseigné pendant 35 ans dans l'enseignement officiel. Mais il continue encore à enseigner, à donner des durus jusqu'à aujourd'hui. Il donne des fatahs, il donne des durus. Il dit wa manasib al-ilmiya wa al-amaliya من يعرف الشيخ يرى شدة زهده في الدنيا ولذلك لم يسعى إليها ولا بحث عنها بل هو متفرغ للعلم ونشره تدريسا وإفتاء وتأليفا. Donc il a été toute sa vie dans l'enseignement et dans l'étude de la science. Donc on énumère tous les postes qu'il a occupés comme professeur durant sa vie. Parmi les chouyoukhs qu'il a eu, il a eu plusieurs. Le Cheikh Ali ibn Muhammad Hajj Mahjari al-Madkhali, le Cheikh Hadi ibn Hadi al-Madkhali, Cheikh Abdullah al-Qar'awi, Cheikh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami, Cheikh Muhammad ibn Ahmad al-Hakami, Cheikh Jabir ibn Sulayman al-Madkhali, شيخ علي بن يحيى البهلكي، شيخ أحمد بن أحمد، شيخ أحمد بن أحمد، نعم. طب شيخ محمد بن محمد جابر المدخلي، شيخ ناصر بن خلوفة طياش مباركي، شيخ محمد أمان الجامي، شيخ عبد الله بن عبد العزيز بن باز، شيخ عبد الرحمن النجدي، pardon. Et Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Ghudayyan, rahimahullah, et Cheikh Muhammad Atiyya Salim. Donc il a de nombreux étudiants, il en a eu beaucoup, il en a toujours. Ses étudiants sont d'un peu partout, même dans le monde. Il a de nombreux écrits aussi, et il a de nombreux durus aussi, il a de nombreuses réfutations aussi contre les Hizbiyin. Si on regarde les écrits qu'il a, il en a presque une soixantaine, et les éloges que les ulama lui ont fait sont nombreuses également. Donc cette biographie là, vous la trouvez également sur internet, et également il y a un autre cheikh aussi qui est un parmi les shuyukh, qu'on appelle Madkhali. Par exemple, le cheikh Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, Abu Anas, qui est aussi un cheikh parmi les shuyukh salafiyin, qui défend la salafia avec beaucoup d'énergie et de force et de science. C'est le cheikh Dr. Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. C'est un des shuyukh qui enseigne à l'université islamique de Médine. Il est membre du comité de l'enseignement dans la faculté de hadith et de l'enseignement islamique. Il a gradué en 1408. Il a eu son magistère en 1414 de Jami'atul Islamiyya. Il a eu sa licence de Jami'atul Imam Ibn Saoud à Riyad. Le titre de son magistère, c'était « Ma sakata anhu l'imam Abu Daoud ». Non, ça c'est... Oui, c'est ça. Il a eu ensuite un doctorat en 1427. Ça fait pas longtemps. Donc, il a eu son doctorat. Le titre de sa recherche, c'était Zawaid al-Imam Abu Daoud ala al-Usul al-Thamaniya. Jam' wa dirasa. وتتلمذ على نخبة من العلماء. Donc, il a étudié avec de nombreux parmi les chouyours, parmi eux le Cheikh Al-Allama, Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, Cheikh Al-Allama Ahmed Al-Najmi, Cheikh Zayd Ibn Muhammad Al-Madkhali, Cheikh Hamad, Hamad Al-Ansari, et d'autres également parmi les Mashaykh. Et parmi les ulama, beaucoup d'entre eux ont fait des éloges. Il a étudié également avec, bien entendu, le Cheikh Rabi Al-Madkhali et bien d'autres. Et le Cheikh, il est vivant jusqu'à aujourd'hui et il donne encore des durus et des fatawas. Et il est très présent dans l'orientation des jeunes, des étudiants. Et il continue à donner des durus et c'est un des chouyours que j'ai, de qui j'ai beaucoup profité dans la compréhension et dans la connaissance du manhaj. Et que j'aimais beaucoup voir justement quand j'étais étudiant à l'université. C'est un des mashaykhs vraiment importants. Donc ça c'est pour nommer certains des chouyoukhs et des élèves de Cheikh Rabi', et je vais en nommer d'autres et on va finir avec ça. Inch'Allah, on va finir juste avec la question des chouyoukhs de Cheikh Rabi' aujourd'hui. Au prochain cours, la prochaine conférence, on va toucher à un autre sujet par la suite. Donc, parmi les chouyoukhs de Cheikh Rabi', il y a le Cheikh Abdel Aziz Ibn Baz. Et avec le Cheikh Ibn Baz, il a étudié Sahih Muslim et Al-Aqidah Tahawiyya. Et également, Tafsir Surat Al-Anfal, on l'avait dit au dernier cours. Et ça, c'est dans les durus qu'il donnait quand il était à Médine, à l'université. Également, il a étudié avec le Cheikh Mohamed Nasruddin Al-Albani pendant les 3 ans qu'il était professeur à l'université islamique. Et à l'extérieur de l'université aussi, il lui lisait des livres et il a lu de lui beaucoup de différents livres. Et livres sur la science du hadith et l'étude de l'isnad. Il a également assisté et écouté à beaucoup de durus, parmi les durus du Cheikh Mohamed Al-Amin Al-Shanqiti, le grand savant de tafsir, celui qui a le livre Adwa Al-Bayan. Il a étudié beaucoup de ses durus quand il était à l'université islamique et quand il enseignait à Al-Masjid Al-Nabawi. Donc le Cheikh Mohamed Amin Al-Shanqiti, il est mort en 1393. Également, il s'est assis et il a beaucoup profité avec le Cheikh Ubaydillah ibn Abdus Salam al-Rahmani al-Mubarakfouri, qui est mort en 1414. Il a beaucoup profité de sa science et il s'est beaucoup assis avec lui, profité de sa science, et il a même une ijaza de lui. Une ijaza, c'est comme une tazkiya, un papier qui lui permet de dire que il a pris sa science de ce cheikh ou une science en particulier de ce cheikh et il a la permission de l'enseigner. قرأ صحيح مسلم وسمع بلوغ المرام وغيرهما من الكتب على العلامة المحدث بديع الدين الراشدي السندي. Il a également lu صحيح مسلم et بلوغ المرام et d'autres livres également au grand savant de hadith Badi' al-Din al-Rashidi al-Sindi qui est mort en 1413. وقرأ في صحيح مسلم وسمع المسلسل بالأولوية من العلامة حمود ابن عبد الله ابن حمود التويجري المتوفى سنة 1413 رحمه الله. Il a également lu صحيح مسلم avec la chaîne de précédence du Allama, du grand savant Hamoud At-Tawajiri qui est mort en 1413. Ensuite il dit il a étudié et écouté plusieurs des durus du Cheikh du Muhaddith أعظم محمد أعظم ابن فضل الدين الجندولي quand il était à l'université islamique. Et il est mort, ce cheikh, en 1405. Il l'a également visité même en Inde, parce que Cheikh Rabi' est allé en Inde. Il y a également des chouchous qui ont donné au Cheikh Rabi' une ijaza. Il y en a plusieurs, et parmi eux, il y a l'allama Cheikh Ali Mouddin ibn Moussa ibn Nu'man al-Muhammadi al-Banqali al-Nadiawi al-Salafi al-Athari rahimahullah. Également le Cheikh al-Allama Ubayd ibn Abdussalam al-Mubarakfouri, qui est mort en 1414. Le Cheikh al-Allama al-Salafi Abdul Ghaffar Hassan al-Rahmani, qui est mort en 1428. Le Cheikh également, on a dit, Hamoud al-Twejri, qui est mort en 1413. Le Cheikh également, le Cheikh Mohammed ibn Abdullah al-Somali, al-Makki, thumma al-Makki al-Athari, qui est mort en 1420. Le Cheikh Badi'uddin al-Rashidi al-Sindi, qui est mort en 1416. Le Cheikh al-Allama Mohammed Ismail ibn Mohammed al-Ansari, للشيخ العلامة المعمر المسند عبيد الله ابن عبد العزيز ابن عقيل العقيل حفظه الله كي مور dernièrement et le شيخ العلامة المحدث المسند الشيخ احمد النجمي رحمهم الله اجمعين. Donc le شيخ ربيع il a une ijaza de tous ses mashaykh. Il y en a beaucoup plus que ça aussi. Ça, c'est juste, ça, il y en a d'autres. Et il y a beaucoup de, tous les détails de ces ijazats sont mentionnés dans un recueil qu'un de ses élèves a écrit. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, dans cette conférence. Donc, on a terminé, donc, le résumé de qu'est-ce qui a rapport avec les shuyukh de Cheikh Rabi' al-Madkhali. Et, qu'est-ce qu'on va faire la suite de dans les autres conférences qui vont suivre, inshallah, on va continuer avec d'autres détails au sujet de la biographie du Cheikh Rabi' et de son tempérament, de son caractère, de ses qualités. Et on va parler ensuite des éloges des ulama envers lui. On va mentionner également ses écrits, les livres qu'il a écrits. On va parler donc des éloges des ulama à son sujet en détail, et on va citer ces éloges-là pour nous aider à comprendre qu'est-ce que ce cheikh représente par rapport aux ulama et comment les ulama le respectent et l'ont toujours respecté et l'ont toujours considéré comme étant un des grands savants de notre époque. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui et on se retrouve, si vous êtes d'accord, jeudi prochain à la même heure pour continuer et faire la quatrième partie de cette conférence, inshallah, à propos de la réponse de ceux qui appellent les salafis des madakhila. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.